Il fut évident pour moi que cette Méditerranée, resserrée au milieu de ces terres qu'il voulait fuir, déplaisait au capitaine Nemo. Aussi, notre vitesse fut-elle de 25 milles à l'heure. Il va sans dire que Ned Land, à son grand ennui, dut renoncer à ses projets de fuite. Je ne vis donc de l'intérieur de cette Méditerranée que ce que le voyageur d'un express aperçoit du paysage qui fuit devant ses yeux. Des divers poissons qui l'habitent, j'ai vu les uns, entrevu les autres, sans parler de ce que la vitesse du Nautilus déroba à mes yeux. Des lamproies, longues d'un mètre, des oxyrhinques, sortes de raies larges de 5 pieds, au ventre blanc, au dos gris, cendrées et tachetées. Des squales milandres, des renards marins, des esturgeons magnifiques, longs de 9 à 10 mètres. Mais, de ces divers habitants de la Méditerranée, ce que je pus observer le plus utilement, c'était des scombres thons, au dos bleu noir, au ventre cuirassé d'argent, et dont les rayons dorsaux jettent des lueurs d'or. Quant aux mammifères marins, je crois avoir reconnu 2 ou 3 cachalots, quelques dauphins, et aussi une douzaine de phoques au ventre blanc, au pelage noir, connus sous le nom de moines, et qui ont absolument l'air de dominicains, longs de 3 mètres. Pendant la nuit du 16-17 février, nous étions entrés dans le second bassin méditerranéen. Là, à défaut des merveilles naturelles, la masse des eaux offrit à mes regards bien des scènes émouvantes et terribles. En effet, nous traversions alors toute cette partie de la Méditerranée si féconde en sinistres. De la côte algérienne, au rivage de la Provence, que de navires ont fait naufrage, que de bâtiments ont disparu, combien d'existences brisées dans son naufrage, combien de victimes entraînées sous les flots. Cependant, le Nautilus, indifférent et rapide, courait à toute hélice au milieu de ses ruines. Le 18 février, vers 3 heures du matin, il se présentait à l'entrée du détroit de Gibraltar.